Bonjour, alors on se retrouve pour entamer le deuxième chapitre du livre dont le titre est « Fonder la folk music comme objet scientifique, année 1880-1910 » où on parlera des premières collectes de musique du peuple donc sur le terrain réalisées par des scientifiques, donc des chercheurs appartenant à des universités ou non d'ailleurs, mais en tout cas des chercheurs. À partir des années 1880, des professeurs d'université et des savants décident de quitter le confort de leur bibliothèque pour se rendre sur le terrain à la rencontre de populations aux mœurs parfois déroutantes afin de collecter sur carnet ou bien sur cylindre leur musique. Contrairement à d'autres collecteurs, le goût pour l'aventure ou le désir de se représenter en pionnier n'intervient guère ou alors de façon mineure dans leur démarche. Ces femmes et hommes de science sont animés par une forte curiosité intellectuelle et le désir d'étudier des chants qu'ils jugent souvent archaïques ou exotiques et qui doivent selon eux être sauvés de l'oubli. Ce que l'on appelle aujourd'hui ethnographie d'urgence est en cette aube du XXe siècle une constante, à quelques exceptions près, dans les objectifs des collecteurs de folk music. Ces savants développent les premières méthodes de collecte systématique et tente d'analyser les origines, les modalités de transmission, voire les contextes de performance des musiques qu'ils étudient. S'ils n'en sont que rarement les élèves, Sidney Robertson et ses collègues du New Deal liront leurs publications et fonderont leur propre théorisation de l'objet folk music en s'inspirant ou bien en rejetant ces analyses donc pionnières. Les répertoires que ces chercheurs choisissent de collecter, leurs méthodes et leurs objectifs de recherche varient en fonction de leur formation et de leur rattachement disciplinaire. Tandis que les anthropologues vont jeter leur dévolu sur les musiques amérindiennes, les folkloristes littéraires vont plutôt s'occuper des chants en langue anglaise, tandis que ce sont plutôt les sociologues et les musicologues qui commencent à s'intéresser aux chants des Africains-Américains. L'anthropologie, le folklore et même la musicologie sont alors de jeunes disciplines en cours de professionnalisation. L'enquête de terrain n'est pas encore une pratique systématique et l'enregistrement mécanique puis électrique des musiques encore moins. À travers l'étude d'une sélection de campagnes de collecte se déroulant entre les années 1880 et 1910, je vous propose donc de rendre compte de la grande diversité des méthodes et objectifs des chercheurs qui fondent la folk music comme un objet de recherche scientifique, tout en réfléchissant aux dimensions politiques des choix de répertoire jugés dignes d'être ou non préservés et étudiés. Dans quelle mesure ces choix reflètent-ils une conception particulière de l'américanité et une volonté, comme pour les compositeurs, de mettre au jour une folk music qui serait intrinsèquement américaine ? La première partie de ce chapitre s'intitule « Les anthropologues et la musique des premiers Américains ». Les musiques des Rude Nations amérindiennes sont les premières à être collectées aux États-Unis, puisque des musiques et danses amérindiennes ont été décrites, étudiées et compilées par des missionnaires et explorateurs dès les débuts de la conquête du Nouveau Monde. La première étude scientifique majeure de musique amérindienne est réalisée en 1881 par le musicologue Theodore Baker dans sa thèse de doctorat « Über die Musik der Nordamerikanischen Wilden » qui est basée sur les observations et transcriptions d'une trentaine de chants réalisés à l'été 1880 dans la réserve des Indiens Seneca dans l'État de New York, ainsi qu'à la Carlisle Indian School, premier pensionnat indien créé par le gouvernement fédéral en 1879 en Pennsylvanie. Si Baker est américain et a fait ses études préliminaires à Boston, on remarque qu'il soutient cette thèse au conservatoire de Leipzig en Allemagne, qui est alors non seulement le centre des nouvelles disciplines que sont la musicologie et l'anthropologie, mais aussi le lieu de formation quasi obligé des musiciens américains de haut niveau. D'une manière qui peut sembler paradoxale, la collecte et l'étude des musiques amérindiennes se développent au moment même où le gouvernement fédéral, dans son élan assimilationniste, tente d'interdire la pratique des coutumes et musiques amérindiennes dans les réserves. Comme déjà évoqué à propos des compositeurs indianistes, ces travaux sont en grande partie motivés par la conviction que les cultures des Amérindiens sont condamnées à disparaître, sous l'effet de la modernité et que l'assimilation de ceux-ci à la culture dominante anglo-américaine est inévitable, voire nécessaire. L'Indian folk music est collecté pour son exotisme et dans l'urgence de sa disparition imminente, ce qui explique en partie pourquoi les anthropologues sont les premiers à faire usage de l'enregistrement mécanique sur cylindre dès les années 1890. Dans les 40 années qui suivront, ils enregistreront plus de 17 000 cylindres, alors que l'usage de l'enregistrement restera encore très marginal chez les collecteurs de folk music anglo-américaine, au moins jusque dans les années 20. Voyons maintenant le cadre théorique et institutionnel de ces collectes de musique amérindienne. Les campagnes d'enregistrement de musique amérindienne sont initialement financées, voire commanditées, par des institutions dont les objectifs sont à la fois scientifiques et politiques. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, le gouvernement fédéral encourage la fondation de musées et autres institutions de recherche consacrées à la préservation, l'étude et l'exposition des cultures amérindiennes. La plus importante de ces institutions est le Bureau of Ethnology, renommé plus tard le Bureau of American Ethnology, qui a été créé en 1880 par John Wesley Powell au sein de la Smithsonian Institution. Le Bureau d'Ethnologie finance de grandes enquêtes ethnographiques visant à documenter les caractéristiques physiologiques, linguistiques et culturelles des peuples amérindiens et aussi à glaner des objets à exposer dans le nouveau musée de la Smithsonian ou bien lors des expositions universelles. La rhétorique survivaliste et évolutionniste des anthropologues permet parfois de légitimer en creux l'assujettissement des populations amérindiennes et les politiques assimilationnistes du Bureau of Indian Affairs. Dans les années 1880, l'anthropologie n'est pas encore une discipline universitaire à proprement parler, dans le sens où il faut attendre la fin des années 1890, pour que certaines universités américaines ouvrent des départements d'anthropologie dotés de programmes et de diplômes spécifiques. Franz Boas obtiendra par exemple le premier poste de professeur d'anthropologie à Columbia en 1896, et son étudiant Alfred Kroeber, futur fondateur du département d'anthropologie de Berkeley au début des années 1900. Le premier doctorat dans cette discipline sera délivré par Columbia en 1901, soit 10 ans après la toute première thèse d'anthropologie soutenue aux États-Unis par Alexander Francis Chamberlain à la Clark University. Des sociétés savantes sont également fondées dans le but de professionnaliser la discipline, comme l'American Folklore Society en 1888. C'est une société bicéphale où se côtoient sans vraiment collaborer des anthropologues et des folkloristes. Et puis l'American Anthropological Society qui, elle, est fondée en 1902. Le tournant du XXe siècle est un moment de transition pour l'anthropologie américaine, donc aussi bien d'un point de vue institutionnel qu'épistémologique. Avant les années 1890-1900, l'anthropologie relève du domaine muséal et le cadre théorique d'interprétation des productions culturelles des paradigmes évolutionnistes. Influencés par les travaux de l'anglais Edward Barnett Taylor, les anthropologues pensent les sociétés humaines comme passant par des stades d'évolution successifs. Dans le modèle de Taylor, il y a le stade sauvage, le stade barbare, le stade civilisé et le dernier stade encore à atteindre d'éclairé. Les musiques amérindiennes sont considérées comme des fossiles de sociétés moins évoluées, survivant dans la société civilisée moderne, euro-américaine. Ce cadre d'analyse est cependant progressivement enrichi par les apports théoriques du diffusionnisme culturel et plus tard du fonctionnalisme. On trouve déjà ces apports dans les travaux d'Alice Cunningham Fletcher, qui était une anthropologue à la tête de la toute première enquête de terrain dans les réserves Sioux et Omaha, du Nebraska et du North Dakota au début des années 1880. Les méthodes d'Alice Fletcher, comme celles de Franz Boas, illustrent un tournant méthodologique important, concomitant d'un intérêt grandissant pour l'étude des musiques en contexte de production. C'est le glissement des études bibliographiques vers les enquêtes de terrain. Pour Frederick Ward Putman, qui était le conservateur du Peabody Museum, musée d'archéologie et d'ethnologie de l'université d'Harvard, l'anthropologie est une science qui doit nécessairement se fonder sur des données empiriques solides. Il conçoit son musée comme un centre de recherche dont l'objectif ne se limite pas à la collecte d'objets, mais également à leur étude. C'est Putman qui, en 1881, va encourager Fletcher à conduire ses propres enquêtes de terrain, plutôt que de populariser les travaux d'autres chercheurs. C'est ainsi qu'en 1881, une quadragénaire portant chignon et robe à armature embarque dans un long et éprouvant périple en chariot à destination du Pays Sioux, dans le Nebraska. Habitué aux bibliothèques de New York et de Boston, Fletcher, qui était conférencière spécialiste d'archéologie américaine très renommée dans les clubs féminins et les sociétés savantes, n'avait encore jamais réalisé d'enquête de terrain lorsqu'elle se retrouve en 1881 à la tête de l'expédition en Pays Sioux. Son collaborateur, le chercheur Omaha, donc d'origine amérindienne, Francis Laflèche, est quant à lui le premier amérindien à y prendre part en tant que chercheur associé. Leur statut respectif de femme, d'une part, et d'amérindien, d'autre part, rendent leurs travaux d'autant plus remarquables qu'il est alors extrêmement difficile de mener une carrière scientifique pour des individus appartenant à des minorités ethniques ou de genre. Leur statut professionnel respectif, d'ailleurs, en atteste, puisque Fletcher obtiendra des financements privés émanant d'une riche philanthrope en 1891, tandis que Laflèche sera employée en tant que secrétaire au bureau des affaires indiennes du ministère de l'Intérieur, mais ni l'un ni l'autre n'accéderont à des positions académiques pérennes, même si Fletcher aura le privilège d'être la première femme à diriger l'American Folklore Society en 1905. Si les femmes scientifiques peinent à se faire une place dans le monde de la recherche, certains chercheurs jugent leur présence avantageuse sur le terrain. En visite chez les Zunis du Nouveau-Mexique à la fin des années 1870, Edward Taylor observait le travail en équipe des époux Stevenson et notait que la participation de Madame Stevenson aurait permis de mieux comprendre les mœurs des femmes Zunis. Les femmes chercheuses sont alors le plus souvent considérées comme des anthropologues par mariage. Leur expertise se limiterait exclusivement au domaine féminin et elles ne pourraient donc que compléter les travaux de leurs époux ou collègues. Ce qui est dans une certaine mesure pertinent, mais voilà. Fletcher avait donc initialement décidé de consacrer ses travaux à l'étude des femmes Sioux, idée qu'elle abandonne rapidement une fois sur le terrain. Au final, les travaux d'Alice Fletcher et de Francis Laflèche s'étendront à une monographie complète des Omaha, avec un accent particulier sur l'étude des rituels et de la musique. Et c'est ce qu'on étudiera dans le prochain épisode. Pour conclure, voici un extrait musical d'un enregistrement de terrain réalisé par Alice Fletcher et Francis Laflèche en 1895 dans le Nebraska. Le morceau s'appelle Wewachi Song. Et donc les notes de Francis Laflèche indiquent qu'il s'agit d'un chant qui parle d'un épisode durant une bataille entre les Omaha et les Cheyennes, où un jeune Cheyenne en retraite poursuivi par les Omaha, est obligé d'abandonner son cheval. Et donc, il court après les autres membres de son peuple et rattrape un homme. Il monte sur son cheval, mais le cheval est trop chargé et du coup ralentit. Donc, ce jeune Cheyenne est obligé par le cavalier de descendre de la monture et ensuite est rattrapé et tué par les Omaha. Donc voici l'enregistrement de la Wawachi Song. Prochaine.